loin de moi une éclaircie, loin de moi. Loin de moi toute ma vie, loin de moi, je ne t'oublierai pas. Je ne vous oublierai pas. Néanmoins, c'est pas la joie. J'ai perdu tous mes autres. J'en ai perdu l'amour aussi. Que fait-il l'enfer? Que faut-il en faire? Que faut-il en dire? Que faut-il? Que faut-il? Faut-il? Le paradis, où est-il? Où est-ce? Paradis? Où est tout ce don promis? Et je suis les réflexions, les opinions, ce que j'en vois. Personne ne sait rien, personne n'est certain, personne ne devrait jamais jouer avec la vie d'autrui.